Agatha. Oui. Blanc comme tueur en série, blanc comme pédophile, blanco, blanc comme linge, dans ton pif, blanc comme neige, depuis tantôt, blanc comme fantôme, blanc comme banco, blanc comme banco, blanc comme banco, blanc comme banco, blanc comme tueur en série, blanc comme pédophile, blanco, blanc comme linge, dans ton pif, blanc comme neige, depuis tantôt, blanc comme fantôme, blanc comme banco, blanc comme banco, blanc comme banco. Blanc comme banco. Blanc de soupçon comme un crimine avoué. Hey, je suis blanc comme celui qui tient le fouet. Soupçon de blanc pour ne pas qu'on s'effraie. Blanc comme blanc des yeux remplis de sang. Frère, dans son palin j'ai dû laisser 100 litres blancs. Tranquillement, tu brandis le blanc en drapeau. Devant, arme blanche papillonnante. Blanc comme perte, blanc comme serbe. Blanc comme l'os qui voit l'air. Blanc comme toutes les lumières ensemble. Blanc comme le mont, blanc comme le bon. Blanc comme le fond de tes poches. Je suis blanc comme la planche de Blancoc. Ça fait banco banco. Je suis blanc comme le phoque. Fuck tous les blancs qui s'efforcent à sucer des bites devant les autres souffrances. France de blanco, bico, blanco, niaque. Nique ta madre. Si ton seul combat c'est ta couleur de peau, pute. Blanc comme para. Blanc comme pas un mot. Blanc comme malade. Blanc comme à la morgue. Blanc c'est blanc. L'histoire est accablante. Blanc. Blanc comme le vrai méchant. Blanc comme le père du chétan. Blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc comme Dieu. Blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, comme blanc, blanc, blanc, comme blanc, blanc, comme blanc, blanc, comme blanc, blanc, comme blanc, blanc, comme tueur en série, blanc, comme pédophile, blanco, blanc, comme linge, dans ton pif, blanc, comme neige, depuis tantôt, blanc, comme fantôme, blanc, comme blanc, blanc, comme blanc, blanc, comme blanc, blanc comme banco, blanc comme gentil, blanc comme petit, blanc comme bourgeois, blanc comme gentil, petit bourgeois, blanc comme sournois, blanc comme fragile, blanc comme salope, blanc comme animal, blanc comme Anita, blanc comme Hannibal, blanc comme Anne Hidalgo. Eh, j'roule au kérosène, putain quel aubaine, j'ai l'accès à Rivaldo. Je suis blanc comme un Mikado, côté bresson, toutes les ethnies ont mis la dose, bordel sur la toile, internet c'est Picasso, je me torche le cul avec le point le Figaro. Tu gaspilles ta vie à vouloir réparer les erreurs de papy et mamie, la terreur arrive et ta salive servira à crier. Putain qu'est-ce qu'on est blanc. Putain qu'est-ce qu'on est blanc. Oh, maman, maman. Putain qu'est-ce qu'on est blanc. Maman, maman, maman. Putain qu'est-ce qu'on est blanc.